Yippee-ki-yay, motherfucker. Et non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en plus. Dick Morant is dead. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Transmission, la table ronde cinéphile qui fait le grand écart entre cinéma d'auteur et pop culture. Derrière ce micro, Olivier Grinard, encore une fois bien entouré avec ses amis Manuel Haas. Salut Olivier. Et aussi Lucien Alflans. Salut les gars. Une fois n'est pas coutume, laissez-moi commencer ce numéro en vous racontant une petite histoire. Cela remonte à 2006. Dans son numéro d'été, le magazine Positif consacrait un copieux ensemble au cinéma américain des années 1970, avec une belle couverture avec Pacino dans Le Parrain 2, peut-être que vous avez ce numéro chez vous. Et donc, le magazine avait demandé à chacun de ses rédacteurs, qui étaient nombreux, d'élire leurs 10 films préférés de la période. Résultat des courses, Robert Altman se trouvait être le quatrième réalisateur le plus cité, avec pas moins de 7 films nommés sur la période, au premier rang desquels Nashville, film fleuve de 2h40, sorti en 1975, dont je n'avais alors, dans mon jeune âge, jamais encore entendu parler. Depuis donc, je guettais une bonne occasion de découvrir ce film se déroulant, comme son titre l'indique, dans la capitale de la country music. Paramount vient de rééditer le film en Blu-ray, et l'occasion est donc belle de parler ici de Robert Altman, réalisateur clivant, autour de l'un de ses films les plus acclamés et qui, de plus, présente la fameuse forme chorale altmanienne bien connue, soi-disant à l'un de ses acmés. En effet, la narration du film fait s'entrecroiser les destins de pas moins de 24 personnages souvent impliqués dans le music business lors de quelques jours de l'été 1975 avec comme toile de fond la campagne d'un candidat à la Maison Blanche du nom de Al Philip Walker, mais qu'on ne verra jamais à l'écran. Au niveau un petit peu de l'équipe du film, la structure a été imaginée par Joan Tewkesbury, qui avait déjà travaillé avec Altman sur McCabe and Mrs. Miller en 71, donc John McCabe en français, ou Nous sommes tous des voleurs en 1974. La photographie en 2.35 est signée Paul Lohmann, qui a beaucoup travaillé à la télévision et signera aussi l'image de Buffalo Bill et les Indiens l'année suivante, toujours dirigée par Altman. C'est compliqué de citer tout le monde au cast, mais vite fait, on retrouve Scott Glenn, Geraldine Chaplin, Shelley Duvall, Ned Beatty, Lily Tomlin, Jeff Goldblum, Keith Carradine, Karen Black, Ronnie Blackley dans le rôle du personnage central de la chanteuse country Barbara Jean, Henry Gibson, dont l'autre titre de gloire est de jouer le méchant dans The Burbs de Joe Dante en 1989. Et citons aussi David Hayward dans le rôle d'un jeune homme mystérieux qui arrive à Nashville un étui à violon à la main. Et enfin, Elliot Gould et Julie Christie dans leur propre rôle. Nashville comporte de nombreuses chansons interprétées à l'écran par les acteurs et actrices. D'ailleurs, celles-ci ont même été bien souvent écrites par les interprètes eux-mêmes, et notamment le titre I'm Easy, écrit et interprété par Keith Carradine et qui remportera l'Oscar de la meilleure chanson originale. Apparemment, ce morceau aurait été écrit même par Keith Carradine, même 6 ans avant le tournage même du film. Donc c'est un truc un peu... Et il avait été refusé apparemment par pas mal de maisons de disques qui ont dû probablement s'en mordre les doigts par la suite parce qu'un Oscar, ça vous change la carrière d'une chanson. Merci de cette précision, Lucien. Si le film a été violemment critiqué par les représentants de la scène musicale country à l'époque, ce sera néanmoins un succès critique et public aux États-Unis, ce qui semble aujourd'hui en fait assez dingue pour un film aussi exigeant, mais je pense qu'on va en reparler. Enfin, un petit mot sur Robert Altman, réalisateur américain né en 25 à Kansas City, mort en 2006 à Los Angeles. À l'instar d'Arthur Penn ou de Sidney Lumet, pour citer deux réalisateurs de sa génération, Altman est formé à la télévision, signant notamment des épisodes de Bonanza ou d'Alfred Hitchcock présente. En 1970, son quatrième long métrage MASH obtient un succès critique et public qui lance définitivement sa carrière de réalisateur de cinéma. Auteur isolé du reste d'Hollywood, il travaille avec une famille d'acteurs et de collaborateurs récurrents, mais aussi avec d'énormes stars de l'époque comme Warren Beatty ou Paul Newman, certaines de trouver chez lui une liberté hors du commun, offerte par ce réalisateur aux méthodes peu orthodoxes. Les années 70 sont donc une décennie faste pour lui. Au titre précité, ajoutons Le Privé en 73 ou encore Un mariage en 78. Ceci avant des années 80 plus moroses, d'après ce qu'on dit, parce que moi je n'ai vu que le Popeye de 80 avec Robbie Williams, qui est en effet assez morose. Non, c'est son chef-d'œuvre. Robert Altman accomplit un retour en grâce au début des années 90 avec deux de ses films les plus connus, The Player en 92 et Shortcuts en 93. Ce sera tout pour cette introduction. Lucien, tu voulais ajouter quelque chose? Ouais, des petites anecdotes, mais des trucs marrants. Apparemment, c'était un projet à la base de la United Artists, ouais, qui était un projet de, je cite, « comédie musicale country et western avec Tom Jones ». Dont le titre de travail était The Great Southern Amusement Company. Altman, à l'époque, avait refusé le script qu'il trouvait trop hollywoodien. Et c'est là qu'il a envoyé ce fameux scénariste au nom compliqué à prononcer. Cette fameuse. Elle s'appelle Joan. Cette fameuse, absolument, ouais. Joan Tewksbury, à Nashville, dans le Tennessee, pour un peu prendre le pouls de la ville afin de compléter le scénario originel. Et puis là-dessus, Altman est venu foutre le bordel, comme à son habitude. C'est de lui que vient l'idée du film choral et d'un truc qui était central pour lui et qui me semble intéressant dans le film. C'est de construire ça autour de leur... Enfin, en tout cas, c'est lui qui amène l'idée de la campagne politique qui truste le film. Après ça, le film sera repris par ABC, apparemment, parce que ABC permettait à Altman plus de liberté qu'il ne trouvait pas ailleurs. Et quand on connaît ses méthodes de travail et quand on voit le résultat, c'est pas étonnant qu'un énorme studio comme la United Artists ait peut-être pas été jusqu'au bout. Et un autre petit biscuit assez sympa, c'est que c'est Robert Duvall qui devait avoir le rôle de Evan Hamilton et qu'il a refusé simplement parce qu'il trouvait qu'il n'était pas assez payé. Mais Olivier, contrairement à Robert Duvall qui avait peut-être des attentes financières sur le film, toi t'as pas eu une déception vis-à-vis de l'attente de voir ce film 10 ans après? Non, j'ai eu plutôt une assez grosse surprise. Moi j'avais pas vu beaucoup de films de 70 d'Altman et j'ai été extrêmement surpris en fait par l'apparent chaos du film, en fait. Je trouve que tout arrive en même temps. On a toujours l'impression d'arriver au milieu d'une conversation. Le film jump vraiment énormément, enfin, entre tous ces personnages. On a vraiment même l'impression au début qu'il n'y a pas vraiment de scène qui est développée entre chacun des personnages. On a plutôt des impressions d'instantané comme ça. Une espèce de truc très, très, très patchwork qui est plus lié en fait à des grandes scènes. Au début du film, il y a une grande scène qui se passe à l'aéroport, puis il y a une grande scène dans un embouteillage où on va vraiment jumper entre énormément, énormément de personnages très très vite et on a l'impression comme ça que tout arrive en même temps. Et en plus, il y a cette méthode que Altman a développée pas mal, qui est notamment, enfin moi j'avais remarqué ça très fort aussi dans John McCabe, c'est ce truc du overlapping, c'est-à-dire que les conversations, au lieu d'avoir la voix du personnage qui est censé être le plus important de la scène, au lieu que cette voix soit très en avant, le mix est assez, comment dire, égal entre des personnages d'importance différente. S'ils sont dans le plan, on va entendre ce qu'ils disent, ce qui fait que c'est un film quand même qui est assez compliqué à réceptionner. L'overlapping, c'est quelque chose qui, de toute façon, a déjà été développé dans le montage hollywoodien dès la fin des années 60. Je crois que c'est la monteuse de Didi Allen, c'est ça, la monteuse de Bonnie and Clyde, qui a vachement développé ça, justement, pour accélérer le rythme, casser un petit peu un certain code de montage hollywoodien et de type de rapport entre les personnages, quoi, justement, en jouant de cette accélération du récit, quoi. Ouais, mais là, je te parle pas de quelque chose qui serait même déjà présent chez Hawks dans Bringing Up Baby ou ce genre de truc, où en effet, on n'attendait pas la fin de la réplique pour commencer la réplique suivante, pour dynamiser tout le truc. C'est juste que ici, si jamais tu as un plan où il y a 5, 6 personnages, tu vas avoir des conversations qui seront mixées plus ou moins au même niveau, mais qui n'ont pas grand chose à voir ensemble, en fait. Donc, tu as le personnage de droite et le personnage de gauche qui ne sont pas ensemble, mais que tu vas entendre, qui vont se chevaucher, qui auront des conversations différentes. Et donc, c'est vraiment très demandant pour le spectateur de se dire qu'est-ce qu'il doit, à quoi est-ce qu'il doit prêter le plus d'attention, je trouve. Enfin, en tout cas, ça demande un niveau d'attention qui est complètement inhabituel, quoi. J'ai été aussi très surpris, enfin, moi qui ai vu pas mal de films Kuro, même je trouve que Shortcuts est un peu plus découpé dans le sens où tu as des scènes avec les personnages qui s'enchaînent, mais il n'y a pas cette impression de tout en même temps. Ici, tu as l'impression que tout arrive en même temps. Tout en même temps, sans que tu arrives forcément à décoder tout de suite de quoi ça parle, entre guillemets. Tu n'as pas d'axe narratif majeur qui se dégage, à part ce vague fil rouge de cette campagne, de cette petite ville et de ce concert qui se met en place, mais le fil rouge est assez ténu, en fait. La grosse différence pour moi avec Shortcuts, que j'aime peut-être encore plus, je comprends évidemment le parallèle qu'on peut faire entre les deux films. Après, ces deux films qui sont très différents, à mon sens, même s'ils ont évidemment des similitudes, mais ils sont très différents parce que je pense que dans les deux cas, ce qui intéresse beaucoup Altman, c'est de cartographier peut-être une ville ici, mais c'est même pas tant ça qu'une époque dans son pays. Et Shortcut se passe simplement pas à la même époque que Nashville. Et je pense que c'est ça qui fait en grande partie le côté plus structuré, en effet, même si c'est pas le film le plus structuré du monde, mais plus posé peut-être que de Shortcut que Nashville. Mais ici, on a vraiment l'impression que... il en a parlé, hein, d'ailleurs, pas mal, Robert Altman. Il comparait sa méthode avec l'action painting. Donc, il disait qu'il crée une espèce de chaos. On a même l'impression, en fait, que c'est des espèces de tableaux. Vous savez, les tableaux, par exemple, de Jérôme Bosch ou même de certains tableaux de Renoir où il y a énormément de personnages et où toi, ton regard va se diriger et t'inventer quelque chose d'une petite scène, puis ensuite sur une petite scène, une autre petite scène, une autre petite scène, dans un grand tout. Moi, la scène de l'aéroport du début ou la scène de l'embouteillage, je les prends un peu comme ça, quoi. Je suis tout à fait d'accord et c'est pour ça que moi, autant je comprends tout à fait l'utilisation du terme récit choral par rapport à Shortcuts, et à la limite, presque, il est presque trop sur des rails pour ce film-ci, qui est plus qu'un récit choral, que tu en parlais tout à l'heure, est une forme d'éclatement de petits instants de vie qui partent dans tous les sens. Mais je pense que c'est en faisant s'entrechoquer ces instants, a priori décorrélés les uns les autres, qu'il finit par créer des contradictions, des trajectoires marginales et presque aléatoires à certains moments, mais qu'il cherche à filmer. Je pense que c'est une méthode qui va, en fait, avec le personnage qu'est Altman. Quand on connaît un peu le gars, on se dit que c'est pas étonnant qu'il bosse comme ça. Je pense que, ouais, au vu de ses films, c'est ce qui représente au mieux sa façon d'appréhender l'Amérique, qui est quand même vraiment un truc qui revient très souvent dans son film. Il en a même presque filmé une forme de naissance dans John McCabe. Et ce serait, pour Altman, à mon sens, comme une sorte de tout formé d'éclats que rien ne rassemble, sinon l'espace et le hasard. Et peut-être justement, parce que c'est presque obligé d'en parler, c'est peut-être justement sur le hasard qu'il a un rapport un peu différent à celui de Paul Thomas Anderson dans ses films Kuro, en tout cas. Un autre truc qui va un peu dans cette idée-là, c'est que je pense qu'Altman, qui est plutôt jeune, hein, déjà à ce moment-là, qui a quand même un peu de bagage, il a déjà un peu de recul sur l'époque qu'il regarde, et aussi il a déjà... Vu le doc sur Woodstock qui est sorti 6 ans plus tôt et qui reprend un truc de l'énergie de cette époque-là, qui reprend un peu dans cette même idée d'éclatement dans le récit. Je ne sais même pas si on peut parler de récit en tant que tel. Enfin, donc voilà, ouais, c'est sûr que c'est un truc, c'est un film très particulier là-dessus et qu'on est très loin, entre guillemets, de la maîtrise tant chérie par Manu, mais que de manière générale, ici, on apprécie. Mais je pense que c'est là qu'est l'entreprise d'Altman et je reste persuadé que c'est volontaire, évidemment, et que c'est cette volonté de perdition, entre guillemets, du spectateur dans un ensemble de décadrages, de raccords foireux, de musique incessante qui se confondent, parfois qui s'arrêtent net. Enfin, il y a un truc très bizarre là-dessus. Et je pense que ça en dit long, ouais, sur en tout cas sur le regard d'Altman, sur ces gens qui filment, sur cette ville, sur cette époque, sur son pays, cette espèce de somme d'individualité presque, on pourrait dire, libéral, cher aux États-Unis, et d'en créer une sorte de capharnaüm citadin qui part dans tous les sens. Et malgré tout, et ça je trouve que c'est un truc qui est passionnant dans le film, c'est qu'à la fois c'est un bordel, ça part dans tous les sens, etc. Et en même temps c'est extrêmement statique, il n'y a rien qui change, c'est vraiment... Enfin après, Altman est connu pour être quelqu'un d'assez cynique, et peut-être justement que dans Nashville, il l'est un peu moins que dans certains autres films, malgré qu'il y ait beaucoup d'humour dans le film, je pense, et d'humour qui n'est même pas toujours du côté de la blague, mais plutôt dans la distanciation du regard. Il y a un moment, il y a un humour qui se crée. Il n'est pas toujours très fin dans son humour, mais bon, ça... Ce qui me pose question dans le film, plus que réellement problème, c'est que dans cette somme d'individualité de ces 24 personnages dont tu parles, et dans la manière dont tu le comparais par exemple, Olivier, à un tableau, et donc ton œil qui vogue comme tu pourrais le faire dans un tableau de Bosch, il y a quand même une différence, c'est qu'au cinéma, c'est pas la même lecture que tu as d'une image, et pour moi, j'ai un souci, c'est autant, il y a des personnages qui, pour moi, fonctionnent, le personnage de Gwendless qui joue cette serveuse chanteuse ratée qui a un destin tragique, et donc tout d'un coup ça décade le personnage un petit peu de d'autres personnages beaucoup plus on va dire fantasques du récit, et il y a une émotion qui s'en dégage, comme lors de la scène de chanson de Kay Carradine avec justement trois femmes qui envoient une lecture différente. Mais souvent, pour moi, le film se heurte à des personnages extrêmement mal dégrossis. Je trouve le personnage, par exemple, de Shailé Duval, on a blagué hors antenne, mais c'est, pour moi, il est insupportable. Il est insupportable dès le début, et son personnage fait du surplace constamment, et ça devient, pour moi, quand je parlais de la forme d'humour, je trouve un moment limite lourd, pour pas dire misogyne, si à un moment c'était pas juste pour moi la lourdeur, parce que je pense pas que c'est misogyne, mais c'est juste très lourd. C'est très lourd ce personnage de Géraldine Chaplin. Moi j'ai un peu de souci qu'en fait, oui, il y a 24 personnages, mais ils sont loin de se valoir les uns les autres. Et mon intérêt décroît beaucoup sur certaines parties du film, en fait. Et je trouve justement, tu parlais de ce rapport de Altman à l'époque, et justement le regard qu'il pouvait avoir dessus, ben, je trouve qu'il y a eu aussi un truc qui arrive un petit peu à mon sens comme un cheveu sur la soupe, et qui se raccorde avec ce qui est en train de se développer dans le cinéma américain, qui est ce cinéma paranoïaque des années 70. Pour moi, il raccroche un peu les wagons pour trouver une conclusion un petit peu satisfaisante à son film, et je trouve ça un petit peu artificiel, en fait. C'est comme s'il surfait un moment sur la vague du cinéma de l'époque pour tout d'un coup asseoir un petit peu la profondeur de son film, ou je ne sais pas, l'ancrage de son film. Déjà, alors, pour revenir sur le côté un peu... sur les personnages qui existent peu, il y en a qui existent plus que... C'est pas qu'ils existent peu, c'est qu'ils sont insupportables et tête à claque. Hein. Je veux dire, Shailé Duval, Duval va te la fader. Je la préfère encore dans Popeye. Hein. Je suis assez d'accord avec toi. En même temps, la très grosse majorité des personnages, pour ne pas dire tous, sont vraiment utilisés comme des entités qui lui permettent justement de partir dans tous les sens et de construire ce tout dont parlait Olivier. Et ça lui permet aussi, en fait, à travers ces personnages qui sont un peu traités de manière diverse, en fait, d'aller dans différentes approches de son film de manière générale, et parfois presque par scène. À des moments, il est presque plus proche du naturalisme, à des moments, il est extrêmement cynique, à des moments, il est beaucoup plus romantique, à des moments, il est drôle, à des moments, il est behavioriste, à des moments, il est unanimiste, enfin, il part oui, un mais peu il part aussi dans plein de fausses pistes, et moi, c'est un peu le souci, des fois, avec le... C'est bien de me proposer plein de pistes, mais à un moment, si... Il y en a aucune qui aboutit. Pour moi, ça me pose problème, quoi. En fait, tu cours plein de lièvres à la fois. Et... Ben ouais, mais en fait, en même temps, je comprends exactement ce que tu veux dire. Je comprends qu'on puisse être largué par ça. Et en même temps, c'est tellement exactement ce que veut faire le film que moi, ça m'intéresse. Il y a quelque chose d'indicible dans ce film que je trouve pourtant vraiment totalement fascinant, du premier au dernier plan, et qui me semble contenir quelque chose de l'essence de ce pays qui me fascine, que sont les États-Unis. Après, l'autre truc sur lequel tu soulevais quelque chose, c'est sur la fin et le côté un peu, en effet, qu'on pourrait rapprocher à une certaine veine du cinéma paranoïaque américain des années 70. Cinéma passionnant s'il en est, mais je pense pas, à nouveau, pas du tout que ce soit son propos et que c'est pas du tout ça qui l'intéresse, et c'est plutôt une manière d'utiliser, je pense, comme il le fait à plein d'égards dans le film, je pense qu'il utilise énormément d'images d'Épinal des US et des US de cette époque-là, et entre autres, je pense que ce côté-là, paranoïaque, on connaît un peu l'histoire des États-Unis, on connaît ce genre d'événement. Mais c'est surtout quelque chose qui arrive à la toute fin. C'est quelque chose que ne travaille pas du tout le film tout du long. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'en fait, tu as vaguement ce moment-là de doute au moment, encore une fois, avec une séquence Tata Claque de Shailé Duval, où justement, tu as ce personnage-là et tu te doutes quand, peut-être que s'il n'a pas envie qu'on ouvre son étui. Mais c'est pas appuyé, quoi. T'as raison, mais si tu regardes le film avec cet œil-là, tu peux pas entreprendre le film, c'est pas possible. Du coup, il y a un moment où il faut juste changer sa manière d'aborder le film et de voir. Mais je l'appréhende pas comme ça, parce que c'est quelque chose qui arrive à la fin. Donc c'est vraiment, justement, à la fin, de voir que ça n'a jamais été construit, en fait. Comme en fait, tout ce qui se passe avec ces personnages, en fait, il n'y a rien qui est construit. Et c'est pas un problème. Enfin, en tout cas, pour moi, ça l'est pas. Pour moi aussi. Et c'est ça. Mais c'est pour ça que je parlais de maîtrise, etc., en te taquinant. Mais c'est pas le problème de ça. Moi, c'est plutôt dans la quête de sens, entre guillemets. Je pense que ça apporte du sens dans cette manière d'utiliser des images, comme je le disais, d'Épinal dans tous les sens, et qui crée en fait un sort de tableau d'une nation, en fait, qui aurait bien conscience des images qu'elle crée, qu'elle provoque et de ce qu'elle représente. Et en fait, j'ai l'impression que dans ce film, tout est métaphore. Et évidemment, en plus, on est à Nashville, c'est la presque la capitale du conservatisme américain, et on y prépare une sorte de mascarade politique, et en fait, tout tourne autour de ça. Donc, pour moi, ça me semble logique que ça se termine là, à la fin, qu'il y ait cet assassinat, comme si tout y faisait sens, et qu'en fait, tout ce spectacle était factice et vain et ridicule. Et en fait, pour moi, quand ça tombe à la fin, tout ça prend sens. Alors, beaucoup de choses que je... voilà, puisque je vous ai laissé parler longuement. Bon, on a été moins long que le film. Ça suffit, Olivier, sois pas désobligeant. Dans l'ordre, ok. Alors, pour moi, le film, il est pas misogyne, mais il est complètement misanthrope. Je crois qu'il n'y a pas un personnage pour rattraper l'autre. Et je dirais, tu disais tout à l'heure qu'il n'y a pas d'évolution. Ce qui n'est pas vrai, pour certains personnages, il y a une évolution. Parce que tu as, par exemple, le cuisinier noir... Du début, qui est présenté comme un soulard au début du film, se retrouve finalement être quand même plus que ce que tu ne crois au début. Après, il y a des personnages qui sont beaucoup plus fonction, c'est vrai. Le personnage de Shelley Duvall ne bouge pas du tout. Le personnage de Jeff Goldblum ne sert que à aller d'un endroit à un autre. Le personnage de Geraldine Chaplin ne bouge pas non plus et sert aussi uniquement à commenter l'action et à porter une espèce de regard étranger sur le sujet du film, qui est pour moi extrêmement clair. C'est le film commence quand même sur le bicentenaire, une chanson qui célèbre le bicentenaire de l'Amérique, et le film s'achève sur un drapeau américain. Le film se passe à Nashville, qui est, comme le vient de le dire Lucien, une ville qui représente la country music, c'est la musique blanche. C'est le Tennessee, c'est en effet un état vraiment conservateur. Mais ce qui me semble passionnant dans le film, c'est bien sûr tout le rapport entre le spectacle et le pouvoir, ou le spectacle et la politique, qui est tissé, me semble, tout au long du film. Tu soulignais tout à l'heure, à très juste titre, cette scène où le personnage de la wannabe singer se retrouve mis à nu, au sens littéral, par toute une foule d'hommes. Donc ici, c'est plutôt le public qui a un ascendant sur le spectacle, mais la scène qui est montée en parallèle de ça, c'est la scène de I'm Easy, où tu as un personnage manipulateur au milieu qui va, grâce à son spectacle, exercer un pouvoir sur l'assistance féminine. Et tout au long de ce film, qu'est-ce qui tient le film? C'est en effet ce meeting politique, de qui va y participer, pourquoi, qu'est-ce qu'on va mettre en scène, qui va venir. Tout n'est que tourne autour de cette relation entre le pouvoir et le show, quoi. C'est là où il y a un regard extrêmement caustique, extrêmement cynique, c'est que les gens préfèrent, enfin l'assistance qui est là à ce meeting préfère se bander les yeux, et nous sommes à Nashville, pas à Dallas, dit le personnage de Hamilton. Ouais, là, cette phrase est passionnante. Donc, il faut que the show must go on, et donc on préfère faire comme s'il ne s'était rien passé et rester plutôt dans le spectacle, se voiler la face comme ça. C'est complètement un pamphlet politique, me semble-t-il, ce film. Je pense aussi, en même temps, à côté de ça, comme il a cette idée intéressante, qui fait la sève du film, de cartographier la ville en parallèle de celle des mœurs de ses habitants, à travers différentes ambitions, générations, visions, tout ce qu'on veut. Par contre, dans cette cartographie, peut-être le point qui m'intéresse le moins, et c'est celui que tu mets très en avant, Oli, c'est justement son propos sur le showbiz en tant que tel. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il métaphorise, entre guillemets. Ce qu'il montre sur le showbiz, en fait, j'ai l'impression de l'avoir vu 100 fois, déjà dans plein d'autres comédies musicales. D'autant qu'en plus, et comme souvent chez Altman, il y a un truc assez... Enfin, je veux dire, l'énergie globale du film est assez... assez crépusculaire. Je pense d'ailleurs que Altman est peut-être jamais aussi bon que lorsqu'il filme la fin des choses, quoi. Peut-être, ouais, ce qui est intéressant par rapport au showbiz, c'est que j'ai l'impression aussi qu'il filme, qu'il montre que... Enfin, ouais, je sais pas s'il les filme tant comme ça, mais en tout cas, il montre que des personnages qui vivent, et ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure sur le fait de la facticité des choses, etc., et ça rejoint un peu ce que disait Oli aussi là maintenant. J'ai l'impression qu'il ne filme que des personnages qui ne vivent que dans l'illusion de ce qu'ils voudraient être. Je trouve ça assez passionnant dans le film, quand même, ce rapport au faux, parce que je ne trouve pas d'autres mots. Hein, il a quelque chose d'assez visionnaire sur certains trucs, je trouve. Je trouve, par exemple, le rôle de la micro-journaliste, la journaliste nombriliste, ça en dit tellement long sur pas mal de... Enfin, sur en tout cas un chemin qui a pris une certaine forme de journalisme qui devait déjà exister à l'époque, mais qui est encore plus prégnant aujourd'hui. Je trouve ça assez intéressant. Bah, c'est une journaliste qui ne fait que nourrir, en fait, ce truc de spectacle et pouvoir qui se tiennent toujours la main, quoi, et qui est toujours bah ouais, bien sûr, qui remet toujours dessous dans la musique et qui sert, en fait, ce jeu-là tout le temps. Oui, tu peux toujours le rattacher uniquement au propos général du film. Après, c'est des personnages qui sont pesants. Je veux dire, les séquences avec elles sont... Moi, j'ai quand même du mal à les traverser en tant que spectateur, parce que quand on m'enfonce 15 fois le même clou, ça devient... Oui, alors c'est sûr, à un moment, ça crée du... Oui, ça fait... Tu peux le raccrocher au tableau. Hein. C'est bien accroché dans le mur, mais à un moment, c'est un peu douloureux en tant que spectateur à la vision, quoi. Soit, mais en fait, il y a quand même des scènes avec Géraldine Chaplin que j'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup la scène où Keith Carradine joue I'm Easy. Elle est dedans. Je la trouve très chouette. Mais pour moi, elle fonctionne. Cette scène-là, elle fonctionne pas du tout sur les deux cruches qui sont à côté. Elle fonctionne sur l'autre personnage un tout petit peu aussi tragique, ou du moins qui est un peu mieux développé, un peu mieux construit que ces deux potiches de salon, quoi. Il n'y a pas beaucoup de personnages auxquels tu peux accorder un tant soit peu d'empathie dans ce film-là. Quand tu parlais du côté misanthrope, il est bien là. Il y a des films d'Altman où c'est bien pire. Je trouve que celui-ci est plutôt soft à ce niveau-là. Ah, moi, j'ai trouvé le film super misanthrope. Vraiment super misanthrope. Et aussi désespéré, parce que, en effet, Nashville et la country music représentent, on va dire... Enfin... une musique un peu qui est destinée en tout cas aux personnes qui sont adultes, mais alors les hippies, ils sont servis exactement pareil, quoi. Je veux dire, l'espèce de trio Peter, Paul et Mary, ils rentrent exactement dans le même train, ils sont aussi stupides les uns que les autres. C'est ce que je disais en début d'émission, hein. c'est ce truc où tout bouge mais rien ne change. Et au final, ça relance aussi un truc, ce que tu dis, Oli, qui est une question, en fait, qui est peut-être la question principale du film, qui est éminemment, je veux dire, philosophique, voire politique, diront certains, mais qu'est-ce que devient une ville, qu'est-ce que devient une nation quand ses composants n'interagissent plus, quand il y a trop de strates qui ne fonctionnent plus ensemble. Et en plus, il pose peut-être même une sous-question en qu'est-ce qui les réunirait au conditionnel, presque. Et là-dessus, je trouve le film passionnant. Voilà, et donc pour répondre à ta question initiale et revenir en boucle au début de l'émission, je dirais que c'était un film exigeant à la première vision, mais que j'ai préféré le revoir que le découvrir, puisque j'y voyais beaucoup plus de choses et je savais déjà beaucoup plus trier ce qui me semblait être signifiant et apporter du sens et mener vers cette fin qui... dès la première vision, m'a quand même saisi, quoi. Ben, je suis parfaitement d'accord avec toi, Oli. Merci, Lucien. Et alors, Manu a fait son bégodo ce soir, qui n'aime pas Kubrick, qui vient le crier sur tous les toits. Il dit « Je n'aime pas Robert Altman ». Je n'ai pas de détestation de de Nashville. J'ai juste quand même un ennui mesuré pendant ce film. Et c'est vrai que je suis assez peu client du cinéma de Robert Altman, à des exceptions près, mais voilà. Il y a plein de films d'Altman qui sont difficiles à regarder. Hein. Ben, parce que des fois, il a préféré vivre que faire des films. Et qu'il a voulu avoir une vie à la Hemingway, mais il n'a pas été peut-être aussi talentueux qu'Hemingway sur tout le temps. Quoi. Ben, pas sur la longueur. Après, on peut quand même citer, on a parlé de The Player, de Shortcuts, de John McCabe, de Suicide, de Long Goodbye que j'adore, qui sont quand même, enfin, qui suffisent déjà à créer une carrière. Et chaque fois, t'oublies Popeye. Mais c'est vraiment la discrimination, Lucien. Franchement, l'histoire retiendra ça. Non, mais par exemple, un film qui est assez unanimement suivi de Altman que j'aime pas du tout, qui est MASH. Enfin, donc, je veux dire, oui, moi, il y a des films d'Altman que je suis pas un défenseur absolu d'Altman, mais je pense qu'il a fait bien au-delà de 5 films qui sont quand même des marqueurs dans l'histoire du cinéma américain et de cette période-là particulièrement, et qui sont des films à minima à voir. Très bien, merci messieurs. Je vous propose que nous nous arrêtions ici pour cette émission spéciale rétrospective sur donc Nashville, qui est ressortie par la grâce de l'éditeur Paramount dans un Blu-ray avec un commentaire de Robert Altman et aussi une petite futurette slash petit montage de un peu bricolé d'une vingtaine de minutes autour du film. Voilà, merci beaucoup messieurs, merci Manu, merci Lucien. Merci à vous. Merci Olivier. Merci de votre écoute et à la prochaine. Au revoir.